Chapitre 5. Dans la nuit des âges. Le monde innombrable toujours demeurait et toujours périssait. Le fleuve roulait des eaux qui n'étaient plus les mêmes eaux. La lumière succédait à la lumière et ce n'était jamais la même lumière. La nuit revenait après le jour et c'était d'autres ténèbres. Les bêtes passaient sur la savane et c'était d'autres bêtes que les bêtes innombrables évanouies dans l'éternité. Haïgun, fils du grand loup, errait furieusement parmi les météores. Il avait l'humeur brutale du sanglier, la férocité des mangeurs de chair et un orgueil implacable. Son ambition était née le jour où, projeté par les cornes d'un auroch, Akroun avait failli mourir. Pendant que le chef des chefs, étendu dans sa hutte, guérissait péniblement, Haïgun domina. Sa déception fut amère lorsqu'Akroun reparut parmi les vivants. Le fils du loup méprisait Akroun, dont les tempes portaient déjà des cheveux de vieillard. Après l'enlèvement des femmes, voyant ses partisans croître en quantité et en influence, il condamna Akroun. Mais ses partisans ne se trouvèrent ni assez nombreux, ni assez hardis. Elgvor osa le défier et lui disputer l'étranger. Ensuite, les exploits du fils de Shtra effacèrent ceux de Haïgun. En songeant à ces choses, une colère démesurée secouait les vertèbres du guerrier. La jalousie lui brûlait les entrailles. Il voulait l'anéantissement de Elgvor avec une opiniâtreté invincible. Ne retrouvant ni Elgvor ni Glava dans la presqu'île rouge, saisi d'une impatience intolérable, il était parti à leur recherche. Son espoir était de les rencontrer sur la rive ou sur les eaux, car il ne doutait point qu'ils suivissent le cours du fleuve. Un matin, il s'arrêta dans une échancrure du rivage. L'eau, couleur de terre, coulait sous un air chargé d'automne. Immense et subtile, la mort arrachait les feuilles des arbres, étranglait les insectes dans les fentes des écorces, dans le pli des feuilles, dans les jungles de l'herbe, sous la terre profonde. Et cette destruction innombrable avait la figure de la douceur. Haïgun considérait les choses avec une indifférence égale à celle de la nature. Comme elle, il était prêt à tuer, sans trouble, sans regret et sans répit. L'instinct constructif semblait absent de son âme. Il s'impatientait de fabriquer une arme et ne se servait d'aucun outil. Telle la bête carnivore, sa mission était de détruire. 5 hommes le suivaient, qui seraient tous chefs le jour où il renverserait Akroun. Tous 5 exploraient le fleuve. Ils ne voyaient que les arbres déracinés, les herbes, les rameaux, les feuilles emportées par l'eau voyageuse. Haïgun se demandait si le fils de Shtra n'était pas rentré dans la presqu'île. Tandis qu'il se tenait là, une voix se fit entendre, et se tournant, il demeura stupéfait d'étonnement. Elgvor était venu. Debout sur un mamelon, avec les pieux et une des haches de bronze laissées par les tsos vaincus, son arc suspendu à l'épaule, il interpellait Haïgun. Le géant poussa un cri égal au rugissement du lion. Les 5 hommes arrivaient, prudemment, dans le but d'environner le guerrier. Mais Shtra parut, suivi de ceux que lui avait confiés Akroun, et de l'enfant Yolg qui s'était glissé parmi eux. « Que vient faire le fils des chacals ?» demanda Haïgun. « Elgvor veut vivre en paix dans sa hutte. »« Haïgun veut la fille étrangère. »« Est-ce donc lui qui l'a trouvée sur sa route ? » Est-ce lui qui a fait alliance avec elle ? La fureur faisait vaciller les mâchoires du géant. Devant Haïgun, Elgvor est semblable à l'élaf devant le lion. Haïgun deviendra le chef des chefs, et tous les Ougmar se courberont devant lui. Elgvor ne se courbera jamais devant Haïgun, et jamais ne lui obéira. Shtra, irrité, parla à son tour. Est-ce Haïgun qui est allé braver 2 fois les tsos dans leur camp ? Est-ce lui qui a ramené 20 femmes? Est-ce lui qui a tué 15 guerriers? Elgvor sera un grand chef. Le géant brandit les pieux, et toutefois, voyant Elgvor saisir son arc, il se dissimula parmi les végétaux. Ses hommes l'imitèrent. Une flèche siffla qui passa près de la tête de Elgvor. Alors Elgvor, Shtra et leurs guerriers s'abritèrent à leur tour. Le silence pesa sur la terre et les eaux. Les bêtes cessèrent de voir les créatures verticales. Enfin, la voix de Helgvor s'éleva. « Haïgun veut-il la guerre ou la paix ?» Un rire rauque répondit. « Haïgun veut que Helgvor se soumette ou meure. »« C'est bien. Helgvor et Haïgun vont combattre. » Le terrain et les herbes permettaient aux hommes de ramper sans devenir visibles. Helgvor avança vers le refuge du géant, suivi du loup et du chien. Stra et ses hommes avancèrent à leur tour. Tous atteignirent ainsi un fourré dans lequel ils se blottirent. À peine 30 coudées séparaient maintenant les adversaires. Alors Helgvor ressaisit son arc. Il avait 6 flèches, mais Stra et les guerriers en avaient plus de 20 qu'ils lui offrirent. Avant de tirer, il dit « Helgvor est prêt à combattre. » Il n'y eut aucune réponse et la première flèche siffla. Elle s'enfonça parmi les végétaux où se tenait Haïgun qui riait dédaigneusement. À la 4e flèche, un rugissement de fureur éclata et le colosse apparut. Du sang coulait de son oreille, sa face houlait. Il arriva comme le léopard blessé. Les branchages du fourré gênaient le tir de Helgvor et d'ailleurs il avait hâte de combattre. Il se montra à son tour, tira au hasard une flèche car le temps manquait, et son épieu durci au feu s'opposa à l'épieu du géant. Le sens obscur de la fatalité, la soumission au destin, maintenait les guerriers à distance. Les épieux s'entrechoquèrent. Haïgun fondit sur Helgvor de toute sa vitesse, mais Helgvor évita l'arme en bondissant transversalement. Il frappa à son tour, et sa pointe rencontra la massue du géant, suspendue à son épaule. Puis, s'éloignant à toute vitesse, il se mit à rire. Haïgun est lourd comme l'auroch. Helgvor le tuera-t-il avec les flèches ? On put croire que le fils de Stra allait saisir son arc, mais le désir de se heurter au rival grondait en lui si fort qu'il revint sur ses pas. Haïgun frappa au ventre. Son arme dévia vers les côtes et enleva la peau. Déjà, Helgvor, ripostant de toute sa force, enfonçait les pieux dans la poitrine de l'adversaire qui chancela et saisit sa massue. Parce que les pieux étaient faussés, Helgvor prit sa hache de bronze. Formidable, malgré sa blessure, Haïgun fit tournoyer la massue et, emporté par son élan, il dépassa Helgvor. La hache de bronze lui fendit le crâne. Il croula. La hache s'abattit 2 fois encore et la cendre de la mort couvrit le visage du géant. Un moment, le corps immense palpita. Des paroles confuses jaillirent. Puis l'agonie entraîna l'homme dans l'abîme inconcevable. Stra proclama d'une voix retentissante « Helgvor est le plus fort des hommes du fleuve et de l'aigle. » Et la voix aiguë de l'enfant Yolg, qui avait suivi les guerriers, répéta « Helgvor est le plus fort des hommes. » Glava et Amao attendaient, prêts à fuir, dans la pirogue cachée parmi les roseaux. Par intervalle, un grand froid saisissant l'adolescente, elle grelottait comme si l'hiver était descendu des nuages. Sa confiance mourait et renaissait selon les palpitations de sa conscience. Continuellement, Helgvor croulait vaincu sur la terre. Continuellement, il ôtait la force au fils du grand loup. Aucune des deux images ne s'effaçait entièrement devant l'autre. Tantôt l'une, tantôt l'autre prenait de la force. Elle tendait l'oreille, mais la distance étant trop grande, elle n'entendait que la voix intarissable du fleuve, les craquements des végétaux, le grouillement des bêtes furtives, les murmures intermittents de l'air. Et quand elle se tournait vers Amao, une même terreur paraissait sur les deux visages. Des pas s'entendirent. Une impatience insupportable secoua Glava. Elle sortit de la pirogue et s'avança sur la steppe. L'univers tourbillonna. Glava poussa un cri sauvage et fléchit sur ses jambes. Helgvor était revenu. Elle tendit les bras, elle tourna vers lui une face ruisselante de larmes, et Stra, qui le suivait, annonça « La hache a abattu le fils du loup. » Helgvor tenait l'adolescente contre lui, et avec elle, il tenait le fleuve, les sylves, les savanes, tout l'espace et toute la durée. Asservie par le sort, elle défaillait d'une joie faite des épreuves vaincues, des morts dont Helgvor l'avait sauvée, et de la foi immense qu'elle avait dans sa force. Alors Stra, selon la coutume des ancêtres et selon son droit, dit La fille d'Hérok habitera la demeure de Helgvor. Elle sera soumise et il tuera ceux qui lèveront la main sur elle.